إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous avions évoqué dans le cours précédent les circonstances qui amenèrent Pharaon à périr dans les flots. C'est ainsi que se réalisa la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala sur son messager Moussa alayhi salam. Ils purent traverser la mer sains et saufs, tout en étant témoins du naufrage de Pharaon et de ses armées, comme pour affermir leur cœur et apaiser leur âme. Nous avions de même évoqué que cet événement eut lieu le jour de Ashura, le 10e jour du premier mois de l'année égyrienne, du mois de Muharram. Et c'est en ce sens que le prophète, alayhi salat wa salam, nous incita fortement à jeûner ce jour afin de se remémorer cet événement et à remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour ce grand bienfait. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, va évoquer à présent les versets relatifs aux événements post-égyptiens. Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kazzabu bi'ayatina wa kanu anha ghafilin. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. السورة 7 les versets 136 à 141. Dans le sens des versets, Allah dit tabaraka wa ta'ala: alors nous nous vengeâmes d'eux. Nous les noyâmes dans la mer parce qu'ils traitaient nos signes de mensonges et n'y prêtaient aucune attention. Et nous avons attribué les régions orientales et occidentales de la terre que nous avons bénies aux gens qui avaient été en esclavage. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit en récompense de leur endurance. Et nous avons détruit ce que faisaient Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'ils construisaient. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple, réunis autour de l'adoration de leurs idoles, et ils dirent « Ô Moussa, désigne-nous une divinité semblable à leur divinité. » Il dit « Moussa, vous êtes certes des gens ignorants. Le culte auquel cela s'adonne est caduque, et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. » Il dit « Chercherai-je pour vous une autre divinité qu'Allah pour l'adorer, alors que c'est lui qui vous a préféré à toutes les créatures ?» Sous-entendu de leur époque, rappelez-vous le moment où nous vous sauvâmes du peuple de Pharaon qui vous infligeait le pire châtiment. Il massacrait vos fils et asservissait vos femmes. C'est là une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. L'imam Ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala a dit concernant ces versets coraniques: Allah mentionne la noyade de Pharaon et de ses soldats et la manière dont il les déposséda de leur puissance, de leurs biens et de la vie, faisant hériter les enfants d'Israël de tous leurs biens et possessions, comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit: wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin. Sourate 28 verset 5. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été méprisés sur terre et faire d'eux des guides et qu'ils deviennent les héritiers. Nous avions déjà expliqué ces versets coraniques et nous avions dit que, à proprement parler, les enfants d'Israël n'ont pas hérité des biens, à proprement parler, du peuple de Pharaon, puisqu'ils quittèrent l'Égypte et n'en sont pas revenus. Mais ils ont hérité de choses similaires dans la terre bénie de Palestine. Et il dit ici, et nous avons attribué les régions orientales et occidentales de la terre que nous avons bénies aux gens qui avaient été dans l'esclavage. Qui avaient été en esclavage. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit en récompense de leur endurance. Et nous avons détruit ce que faisaient Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'ils construisaient. C'est-à-dire qu'il anéantit tout cela, les déposséda de leur puissance en ce monde et fit périr le roi, sa cour, ses ministres et ses armées, si bien qu'il ne restait en Égypte que la masse du peuple et les sujets. Allah Jalla Jalla nous dit encore dans son livre prééminent sur tous les autres livres. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. Versets 138 et 139 de cette même sourate. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple réuni autour de l'adoration de leurs idoles et dirent: « Ô Moussa, désigne-nous une divinité semblable à leur divinité. » Il dit: « Vous êtes certes des gens ignorants. Le culte auquel cela s'adonne est caduque et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. » En réalité, l'imam Ibn Kassir, évoque cet événement de manière résumée. Mais il y reviendra en détail beaucoup plus loin, comme nous le verrons, inshallah, tabarak wa ta'ala, dans de prochains cours. Quoi qu'il en soit, ils disent ici, ils ont proféré ces paroles d'ignorance et d'égarement alors qu'ils venaient de voir de leurs propres yeux les signes d'Allah et de la toute-puissance, chose qui prouvait la véracité du message de leur prophète venant du doué de majesté et de noblesse. Ceci, car ils passèrent auprès d'un peuple adorant les idoles. On dit qu'elles avaient la forme de vaches. Et c'est comme si les enfants d'Israël, ou certains d'entre eux, car c'est ce qui est authentique, ce n'est pas tous les enfants d'Israël qui ont été touchés par l'idolâtrie ici, mais une partie d'entre eux seulement. C'est comme si ces derniers avaient demandé pourquoi ces gens-là adoraient ces idoles. Alors, les gens questionnés leur répondirent que ces idoles leur procuraient du bien et pouvaient même les nuire et leur porter du mal. De même, elles leur demandaient leur subsistance dans les moments difficiles. Certains ignorants parmi les enfants d'Israël les crurent et demandèrent à leur noble prophète de leur désigner des divinités pareilles aux leurs. Il leur répondit en leur montrant qu'ils ne réfléchissaient pas et qu'ils n'étaient pas bien guidés, en leur disant: le culte auquel cela s'adonne est caduque, batil, mutabbar, et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Il leur rappela ensuite les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il les préféra à tous les peuples de leur époque en leur octroyant la science, la loi, un prophète parmi eux et en les sauvant du joug de Pharaon, le tyran obstiné, en l'anéantissant sous leurs yeux et en les faisant hériter des biens, richesses et demeures de Pharaon et de ses notables. Il leur montra que l'adoration ne devait être vouée qu'à Allah, tabaraka wa ta'ala, sans rien lui associer, car il était lui le créateur, le pourvoyeur de subsistance et le dominateur suprême. Ce n'est pas l'ensemble des enfants d'Israël qui firent cette demande, mais uniquement certains d'entre eux. L'imam Ibn Kathir ici va faire un autre parallèle. Il va nous rappeler ce qu'a rapporté l'imam Tirmidhi sous le numéro 2180 et authentifié par Cheikhoun al-Albani, d'après Abi Waqid al-Laythi, qui rapporte: nous sommes partis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en direction de Hunayn. Hunayn qui est une région qui se situe au nord-est de Mecca, et ceci après la prise de la Mecque, précisément en l'an 9 de l'Hégire. Fin de l'an 8, début de l'an 9. Et nous sommes passés devant un jujubier, devant cet arbre qu'on appelle en arabe As-Sidra. Nous dîmes alors, ô messager d'Allah, désigne-nous un arbre comme eux ont un arbre. Pour expliquer cette parole, les polythéistes avaient pour habitude d'accrocher à cet arbre-là leurs armes et de s'asseoir à ses côtés, afin d'y rechercher la bénédiction et pensant que cela serait une cause de victoire sur leurs ennemis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu cette parole de certains des compagnons qui étaient avec lui, ô envoyé d'Allah, désigne-nous un arbre comme eux ont un arbre, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Vous dites comme ont dit les enfants d'Israël à Moussa, ô Moussa, désigne-nous une divinité semblable à leur divinité. Vous suivez les traces de ceux qui vous ont précédé. Fin de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète ici a fait le parallèle entre la parole de ces nouveaux convertis à l'islam parmi la communauté du prophète, alayhi wa sallam, et parmi le peuple de Moussa qu'Allah venait de délivrer de plusieurs générations d'esclavage auprès de Pharaon. La similitude ici est claire, c'est que chacun des deux groupes qui ont questionné avait encore en eux des restes de la jahiliya, des restes du polythéisme. Et ils pensaient que le fait de pouvoir prendre une divinité pour se rapprocher d'Allah faisait partie de l'islam. Il faisait partie de la voie des prophètes. Et chacun des deux prophètes a rejeté cette affirmation, a rejeté cette demande et a clarifié une fois de plus le monothéisme, le tawhid. Par la suite, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, va évoquer un événement qui est relaté dans le Coran. Lorsque Moussa, alayhi salatu wa salam, quitta l'Égypte, il s'approcha de la terre de Bayt al-Maqdis. Bayt qui se trouve actuellement à Al-Quds, en Palestine. Et il trouva un peuple d'hommes puissants parmi les Haythaniyin, ou Al-Fazariyin, ou Al-Kan'aniyin. Trois peuplades qui habitaient ces terres. Al-Ard al-Muqaddasa, la terre sacrée, qui n'est pas seulement Al-Quds, qui est plus grand. Lorsque Moussa, aux abords de la ville, vit ou ramena son peuple aux abords de la ville, il ordonna à son peuple d'entrer sur les terres de Bayt al-Maqdis et de combattre ces gens-là afin de les en chasser. Car Allah leur a destiné et promis cette terre. Ceci par la parole d'Ibrahim, son ami privilégié, et par l'intermédiaire de Moussa, alayhi salam, celui à qui il s'est adressé de vive voix. Mais les enfants d'Israël ont refusé de combattre. Allah leur infligea alors le châtiment de la peur et les condamna à l'errance dans le désert pendant 40 longues années. Cet événement, selon Ibn Kathir, se situe juste après la délivrance des enfants d'Israël du joug de Pharaon et de leur sortie d'Égypte. Du fait qu'Allah a promis la terre sainte aux enfants d'Israël, Moussa décida donc de mener son peuple vers cette terre. D'autres historiens et commentateurs du Coran le situe après l'adoration du veau d'or d'une partie des enfants d'Israël. Quoi qu'il en soit, nous allons relater ici cet événement relatif à la Terre Sainte et l'ordre de combattre ses habitants. Allah dit tabaraka wa ta'ala: Wa idh qala Musa li qawmihi ya qawmi idhkuru ni'matallahi 'alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-'alamin. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا لنفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. Ce sont les versets de la sourate 5, les versets 20 et ceux qui suivent. Rappelez-vous lorsque Moussa dit à son peuple, ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes et des rois. Et il vous a donné ce qu'il n'a donné à personne d'autre. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a promise, et ne revenez pas sur vos pas, car vous reviendriez perdant. Ils dirent, ô Moussa, il y a sur cette terre un peuple d'hommes puissants. Nous n'y entrerons pas jusqu'à ce qu'ils en sortent. Et s'ils en sortent, alors nous y entrerons. Or, deux hommes parmi ceux qui craignaient Allah et à qui Allah avait accordé de ses bienfaits dirent « Entrez chez eux par la porte. Si vous y entrez, vous serez les vainqueurs. Et c'est en Allah qu'il faut placer votre confiance si vous êtes croyants. » Ils dirent « Ô Moussa, nous n'y entrerons jamais aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc toi et ton Seigneur et combattez. Nous resterons là où nous sommes. » Il dit « Moussa, Seigneur, je ne peux compter que sur moi et mon frère. Sépare-nous donc de ce peuple désobéissant et pervers. » Allah dit alors, ce pays, cette terre bénie, leur sera interdite pendant 40 ans durant lesquels ils erreront sur terre. Ne t'attriste pas pour ce peuple désobéissant et pervers. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, a dit, le prophète d'Allah leur rappela les bienfaits du Seigneur sur eux, ainsi que ses faveurs spirituelles et matérielles, et leur ordonna de combattre sur la voie d'Allah et d'affronter ses ennemis. Il leur dit, ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a promise, et ne revenez pas sur vos pas. C'est-à-dire, en battant retraite, et en reculant devant vos ennemis, car vous reviendriez perdant, c'est-à-dire vous perdrez vos bénéfices et vous diminuerez après avoir atteint la perfection. Fin de citation. Moussa alayhi salatu wa salam, à travers ces versets, commença par leur rappeler les bienfaits d'Allah et notamment le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a désigné des prophètes parmi eux ainsi que des rois, c'est-à-dire des rois parmi eux sans qu'ils ne soient sous l'emprise et le joug d'une autre communauté ou d'un autre peuple. Après leur avoir évoqué ces deux grands bienfaits, il leur demanda de rentrer dans la terre sainte qu'Allah leur avait prescrit et promis pour y demeurer et pour s'y établir. Il leur demanda de rentrer par la porte de la ville à l'improviste et de surprendre l'ennemi afin de prendre le dessus. Effectivement, s'ils s'exécutaient et obéissaient aux ordres de Moussa, ils auraient le dessus sur leurs ennemis. Puis, dans le même temps, il les mit en garde contre le fait de fuir au combat devant l'ennemi, car cela occasionnerait inexorablement leur perte. Il y avait dans cette ville des peuples puissants et hautains, doués d'une force non négligeable, comme l'a souligné l'imam Ibn Kathir auparavant. Moussa alayhi salatu wa salam envoya 12 personnes, 12 éclaireurs, afin de sonder l'ennemi et d'organiser l'assaut dans les meilleures conditions. Parmi ces 12 personnes, 10 d'entre elles revinrent en décrivant la situation aux enfants d'Israël et en exagérant dans leurs propos, ou en leur disant que ces gens étaient grands et puissants, imbattables, et qu'au final, les enfants d'Israël ne pouvaient se confronter à eux et devant eux, ils ne faisaient pas le poids. Par contre, il y a eu 2 d'entre eux, 2 parmi les éclaireurs, 2 parmi les 12 que Moussa avait envoyé, qui sont Yusha ibn Nun, qui deviendra bien sûr le successeur de Moussa par la suite en tant que prophète, et Kalib ibn Yafna. Certains disent qu'il s'appelait Kalib ibn Yuhanna. Ces deux-là cachèrent la puissance et la force qui étaient celles des gens de cette ville aux enfants d'Israël. Et ils allaient trouver directement Moussa pour lui exposer la situation. En effet, ils ne voulaient pas effrayer les enfants d'Israël et les freiner ou les empêcher de combattre. Donc, ils décrirent la situation à Moussa en tête-à-tête. Ces peuples étaient forts et puissants, mais pas comme l'avaient décrit les 10 éclaireurs auparavant qui avaient exagéré dans leurs propos. Après avoir été informés de la situation, les enfants d'Israël dirent à Moussa, « Oh Moussa, il y a sur cette terre un peuple d'hommes puissants. Nous n'y entrerons pas jusqu'à ce qu'ils en sortent. Et s'ils en sortent, alors nous y entrerons. » Ils dirent cela en fait en raison des informations qu'ils avaient reçues des 10 informateurs. Mais leur refus de combattre ne fut pas pour autant une excuse valable pour délaisser l'ordre, car Allah les a blâmés par rapport à leur désobéissance. Quant aux deux autres, Allah tabaraka wa ta'ala dit d'eux, « Deux hommes parmi eux qui craignaient Allah et à qui Allah avait accordé de ses bienfaits dirent, « Entrez chez eux par la porte, c'est-à-dire la porte de la ville. » Si vous y entrez, vous serez les vainqueurs. Et c'est en Allah qu'il faut placer votre confiance si vous êtes croyant. Allah tabaraka wa ta'ala a accordé ses bienfaits sur deux d'entre eux, sur ces deux hommes, de telle sorte qu'ils furent prémunis de dévoiler la situation telle qu'elle était afin de ne pas effrayer les enfants d'Israël et de les pousser à battre en retraite. Ces deux hommes dirent à leur peuple, entrez chez eux par la porte de la ville. Si vous y entrez, vous serez les vainqueurs. C'est-à-dire, entrez chez eux et prenez-les par surprise. C'est ainsi que vous aurez le dessus sur eux. Et tous deux leur rappelèrent la confiance qu'ils doivent porter en Allah tabaraka wa ta'ala afin de prendre le dessus sur leurs ennemis et comme un signe et une marque de la foi. Quelle fut leur réponse? Ils dirent, ô Moussa, nous n'y entrerons jamais aussi longtemps qu'ils y seront. Ils répondirent donc en toute impunité qu'ils ne bougeraient pas de leur place tant que ces gens-là seront dans la ville et tant qu'ils défendront cette ville. Puis ils dirent à leur prophète, « Va donc toi et ton Seigneur et combattez, nous restons là où nous sommes. » C'est-à-dire, invoque Allah comme tu as invoqué Allah une première fois auprès de Pharaon, invoque Allah qu'il nous débarrasse de ces gens-là et qu'il nous dispense de les combattre. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, a dit, les notables parmi les enfants d'Israël persistèrent donc dans le refus de combattre et ainsi un grand abattement les saisit. L'imam Ahmed rapporte d'après Tariq Ibn Shihab que Abdullah Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit, j'ai entendu Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, le grand compagnon parmi les muhajirines, dire une chose que j'aurais plus que tout aimé dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu invoquer contre les polythéistes en amont de la bataille de Badr et Al-Miqdad lui a dit, par Allah, ô messager d'Allah, nous ne te dirons pas comme on dit les enfants d'Israël à Moussa, va donc toi et ton Seigneur et combattez, nous restons là où nous sommes. Mais au contraire, nous combattrons à ta droite, à ta gauche, devant et derrière toi. Abdullah ibn Mas'ud de dire, j'ai alors vu le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'illuminer et se réjouir de cela. Le hadith a été rapporté dans le Mousnad de l'imam Ahmed par une bonne chaîne de transmission et il fut aussi rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari sous le numéro 3952. Je vous cite la parole en arabe. قال عبد الله بن مسعود يقول شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسغره يعني قوله. Le parallèle ici est très important et il nous montre beaucoup de choses. Ce peuple, peuple des Bani Israël à cette époque, avait un mauvais comportement vis-à-vis de leur Seigneur et de leur prophète. Alors que les compagnons, dans une situation similaire, ont confirmé leur allégeance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à savoir secourir la religion d'Allah par leur bien et leur personne et à secourir le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, le tawhid, l'unicité d'Allah, le monothéisme, était ancré chez les compagnons alors qu'il faisait défaut chez certains des enfants d'Israël à ce moment. Et cela s'est confirmé lorsqu'une partie d'entre eux se mirent à adorer le veau d'or. Troisièmement, il y a entre les deux nations, celle de Moussa alayhi salatu wa salam, et celle du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, beaucoup de similitudes et même des situations similaires. Mais la communauté du messager sallallahu alayhi wa sallam, dans son ensemble, est meilleure auprès d'Allah et a plus de mérite à l'image des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiallahu anhum. À la suite de ces propos, désobligeants et leur manque de politesse et de retenue vis-à-vis de leur prophète, Moussa se plaint à son Seigneur et se désavoua d'eux en les qualifiant de peuple pervers, c'est-à-dire sortant de l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, en disant, Seigneur, je ne peux compter que sur moi et mon frère, sépare-nous donc de ce peuple pervers. Certains ont dit ici que le terme de frère ici ne signifie pas Haroun, qui était déjà mort, mais il signifie Yosha ibn Nun, le successeur de Moussa en tant que prophète. Certains disent qu'il s'agit ici de Haroun. La divergence tient sur le fait de la datation de cet événement et de son avènement chronologiquement parlant. Allah dit tabaraka wa ta'ala, ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lequel ils erreront sur terre. Ne t'attriste pas pour ce peuple désobéissant et pervers. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas entrer dans la Terre Sainte pendant 40 années. Et historiquement parlant, ils ne purent y entrer. Qu'ont-ils fait pendant tout ce temps? Ils ont erré sur terre, ne sachant où aller, ne sachant que faire, en compagnie de leurs prophètes. Ceci leur fut imposé à titre de punition ici-bas. Mais est-ce que cela fut une punition pour leurs prophètes qui étaient avec eux? Non, car ceci fut un moyen pour leurs prophètes qui étaient avec eux, à savoir Moussa, et selon certains Yosha ibn Nun, alayhim assalam, cela fut une occasion pour ces prophètes d'enseigner à ce peuple les bases de la religion, les commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala, et de les éduquer sur le tawhid. La terre d'errance, ici, reste un sujet de divergence chez les savants. Certains la voient du côté du Sinaï, qu'on appelle le Sinaï actuellement, c'est-à-dire en Égypte, d'autres dans la péninsule arabique. Et il y a d'autres avis qui ont été émis sur ce sujet. Allah tabaraka wa ta'ala lui dit enfin, ne t'attriste pas, ô envoyé d'Allah, au sujet des gens désobéissants et pervers, car voici leur récompense d'ici-bas pour leur désobéissance. Et on tire de ce verset comme leçon qu'il est interdit de s'attrister du châtiment qui tombe sur les gens désobéissants pour leur désobéissance. Il est interdit de s'attrister pour un châtiment qui tombe ou qui touche des gens pervers et désobéissants pour leur désobéissance. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit à son messager, ne t'attriste pas au sujet des gens pervers et désobéissants. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.